Méditation pour une nuit sereine. Que vous ayez vécu une journée trépidante ou simplement que vous cherchiez à apaiser votre esprit avant de vous endormir, la méditation peut être une clé précieuse pour libérer les tensions accumulées. Avant de plonger dans le sommeil, prenez quelques instants pour vous recentrer et vous détendre. Commencez par trouver une position confortable dans votre lit. Fermez doucement les yeux et prenez quelques respirations profondes pour calmer votre esprit agité. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons, permettant à chaque inhalation de vous remplir de calme et à chaque expiration de libérer le stress. Visualisez maintenant une lueur douce et apaisante qui vous entoure, créant un cocon protecteur. Imaginez cette lumière comme une énergie bienveillante qui dissipe toutes les préoccupations de la journée. Laissez-la envelopper chaque partie de votre corps, apportant une relaxation profonde à chaque muscle. Accordez-vous le temps d'explorer votre esprit. Observez les pensées qui flottent, sans les juger. Imaginez-les comme des nuages passant doucement dans le ciel de votre conscience. Laissez-les venir et partir sans vous y attacher. Portez votre attention sur votre respiration, cette constante qui vous relie au présent. Suivez le doux flux et reflux de l'air, laissant chaque souffle vous guider vers un état de quiétude de plus en plus profond. Si des pensées persistantes tentent de s'infiltrer, ramenez doucement votre concentration sur votre respiration. Imaginez que chaque expiration emporte avec elle les soucis et les inquiétudes, les laissant disparaître dans l'obscurité de la nuit. Continuez ce processus aussi longtemps que vous en avez besoin. Plus vous vous engagez dans cette méditation, plus votre esprit trouvera le calme nécessaire pour accueillir le sommeil paisible. À mesure que vous vous préparez à entrer dans le royaume du rêve, rappelez-vous que la paix intérieure est un cadeau que vous vous offrez. Laissez la méditation être le pont entre le tumulte quotidien et le repos réparateur de la nuit. Dans ce moment de tranquillité, trouvez le repos dont votre esprit et votre corps ont besoin pour se régénérer. Bonne nuit et que vos rêves soient doux.